ok. Dans la langue on fait des fouilles, on chasse les mots comme des coups, on les traque comme des faux, on tape le mic, on frappe la foudre, on n'est pas là depuis boule. On claque comme les montages de pouces, tellement le son est trash, la foule craque comme dans un stade de foot. J'ai pas de strapisme, des fois on me trouve louche. Quand j'ouvre la bouche, peu importe le sujet, je fais mouche. Mon rap c'est d'écrire mes phases en rajoutant des couches. Mon taf c'est d'écrire des phrases dans le but qu'elles te touchent. Faut de la diversité, mais sans que les récits divergent. J'ai déjà lâché divers, impitoyable comme diverge. Pour dire vrai, elles se fraîchent comme en période hiver. Pas de diversion, y'aura pas d'immersion. J'dis n'importe quoi, chacun sa propre croix. Le rap importe voix, j'escalade comme une corde moite. L'amour dissipe, aujourd'hui je teste d'ici peu. J'suis qu'un disciple, mais vu mes progrès, j'vois se mettre d'ici peu. Putain c'est la merde, celle qui donne envie de canner, de se tailler. Vas-y laisse-moi de quoi décoller. Il faut un billet pour se voir pousser des ailes. Pour leur donner du poids, vaut mieux les avoir au pluriel. On veut du Zeyo, pas de chanteur à la Nio. Illico presto, toujours premier à l'heure du bédo. Il est pas trop tôt pour la réussite, on a du retard. C'est le cauchemar quand il s'agit de rappeler de nos déboires. C'est triste constat quand on se tape pour une pute. Ou les rumeurs capables de défaire une répute. C'est quoi le but, rapper plus fort que des milliers oubliés. Que sur la feuille on a tout misé, on est divisé, humilié. Par manque d'humanité qui va donc cesser en premier de réouvrir nos plaies. Qui sera le dernier à se tenir debout dans l'arène. Qui aura le temps de dire de chanter nos problèmes. J'ai beau mettre de l'onguin sur mes cicatrices, mais ça n'effacera pas la plaie que ta haine m'inflige. Car la vengeance est une fidèle tentatrice. Je crains qu'on finisse un jour tout en haut de sa liste. Tu sais, la vie n'est qu'un sommeil où le rêve est l'amour. Mais de nos jours, c'est trop dur d'être sur le bon parcours. À part les frères et la mifa sur qui tu peux compter. Je me le demande encore, j'éprouve du mal à me confier à tous ces gens qui, depuis tout petit, sont là pour moi. Et cette fois-ci, devant ma feu, je me demande pourquoi. Certains frères de jadis, ayant tellement d'appétit pour cette pute de réalisme, ont vendu leur âme petit. Cette vie n'est pas facile, on est tous mal partis. C'est un peu comme dans un film où tu n'as qu'une tentative et souvent tu pars tôt. Alors je ferai tout ce qu'il faut pour tuer mes fardeaux. Faut que les combats, car le rap un combat. Et les rappeurs chialent quand je leur écarte les jambes comme un compas. Me compare pas, c'est du vrai rap. Faut qu'on parle, on finira sous le soleil. Avec la somme tu verras, le bon flow, ça se fait rare. J'suis Terminator, un tas de ferraille. Bande de pauvres cons, assassinat verbal. Les rappeurs crèvent, v'là leur faire part. Mes vers parlent de goût et de billets, couleur verbal. Le pulpice de tes oreilles quand j'rime. Les putes pigent, qui est le maître et qui est l'élève assis sur le pulpite. J'rappe pour un public averti, la rage dans les pupilles. La plupart des rappeurs m'arrivent au pubis. Tu baisses tout, même si t'as ta mise. Tu fais bouffer le tatami à tout le monde. J'représente pour mon tas d'amis. Pur égo trip, si les tatamis habitent, pourquoi ils s'étonnent qu'on traite de pute et qu'on triche?